les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. C'est un exercice de style radiophonique singulier que vous allez entendre dans un instant. Un atelier de création radiophonique en trois parties diffusé pour la première fois en avril 1971. La première partie, Confidence, est une exploration des méandres de la solitude et de ce qu'elle provoque chez les êtres fondamentalement sociaux que nous sommes. Changement de décor radical dans la deuxième partie, intitulée Samedi soir, bal, autour d'une manière de faire la fête en France, dans un certain esprit d'insouciance typique des Trente Glorieuses. La troisième partie de cette émission sonne comme un retour à une forme de pesanteur solitaire avec une interprétation d'une nouvelle de Francis Scott Fitzgerald, La Fêlure. Trois manières d'être à soi et aux autres dans cet atelier de création radiophonique en 1971. ORTF, atelier de création radiophonique. Atelier de création radiophonique, Confidence, par Jeannine Antoine, René Farabet, Harold Portnois, Robert Valette. Assisté de Viviane Vandenbroek. Collaboration technique, Alain Barbedette, Marcel Grenier. Repère, Radio Bremen. Intrasonique, de Michael Toffoff. Annie Lotte, de Nice. Groupe de recherche musicale, Solitude, de François Bell. The Private Moment, le moment privé, par Lee Strasberg. L'homme qui parle tout seul, de Roland Dubillard. Avec Roland Dubillard. Samedi soir, bal, de Jean Thibaudeau. Prix Ondas 1970. Composé pour l'atelier de création radiophonique, avec le concours de Jeannine Antoine, Viviane Vandenbroek, Cécile Brunner, Françoise Campeau, Hélène Dieudonné, René Farabet, Marcel Grenier, Jean-Daniel Pollet, Martine Sarcey. La Fêlure, de Francis Scott Fitzgerald, lu par Denis Roche. Musique, Léon Bismarck, Bix Beiderbecke. Confidence. Love. O mon o rein coro reser vele chudra ser spellam for ome ruge Bastar notor rege attentabu triem rume klaxaha loxere Das leicht ohne Wortmodellamur, es nennt greift zu schwarz. Prozess wie ich, was trifft dir, ritzt nie, ohne Lavspüre. Neige, Elein. Kart. Ko und Kai. Si Sulitia Odyma. O so Oder Myanmar. Noan. Akana. Istroi Every Oreida. Liebe Sinizia. Da wirkt es kirk. Mascapis. Maslapas. O. Gargardala. Advenachal. Uidadar. Orso. So. Vavarchovi. Islav, verloren, der Flamme, die ohne Rot zaudert, tau, zauber, sei deinen Sino, blau aus Duri, zögern, lehn mal, du ach, war ins All, Leiot, Elein Gradiva. Rat ar Silva va aus du. O virion si ato tanai. Je suis de Grassouin, les environs Grassouin, Péménadouin. Et je travaille au marché floral. Oh ben, je vends un peu du poids, des fleurs, qui me donnent les maraîchers. Je travaille un petit peu à la poissonnerie, et je trouve que Nice, c'est une belle petite capitale. C'est une ville qui elle doit prospérer depuis longtemps en plus longtemps. Les Niçoises et les Niçoises sont tout à fait charmantes. Et j'espère de tout mon cœur qu'aujourd'hui, à l'occasion de cette bataille de fleurs, le ciel nous sourira. Je vous dis au revoir et merci au bon Dieu. Tauch und zerfetzt Quellen. Nur Frauen richten. Stich scharf, füg fest, leck wer gra. Né à Péménade, Alpes-Maritimes. Mon pauvre père était entrepreneur de bal public et mon enfance, j'ai été un petit enfant gâté. Ma pauvre maman m'a porté le café au lit jusqu'à l'âge de 20 ans. Alors je suis toujours été un petit peu gâté et j'ai continué à être gâté. Quand j'ai un petit peu d'argent, je me sens un petit peu gâté. J'avais un frère qui est mort d'une méningite à 19 mois. J'avais une autre sœur qui est morte il y a exactement 7 ans. Et je suis resté fils unique après la mort de mon pauvre frère et de ma sœur. Et après, j'ai perdu ma pauvre maman. Ensuite, ça a été la mort en 57 de mon pauvre père. Et je suis resté avec ma grand-mère à Péménade, que j'ai gardé 11 mois paralysée dans un lit. Et elle est décédée, et je suis resté seul. Et je suis à Nice, en train de patrouiller, ou de vadrouiller. Bien entendu, j'ai souffert de beaucoup de choses, après la mort de mon pauvre père, de ma pauvre mère, ainsi que de ma grand-mère, mais je crois bien de refaire quand même tout de même la vie. Parce que la vie n'est jamais perdue. Un homme qui sait se retracer doit vivre dans le bien-être et non vivre comme un clochard. Je crois aussi en moi que je vais réaliser le problème de l'amour, de l'amitié, et à l'intellectuel, je prendrai une jeune femme. Pour question qu'on a toujours du linge à faire laver, toujours sale, et je veux être dans la propreté. J'ai 45 ans. Et on peut refaire une vie encore un petit peu. Je crois espérer beaucoup de choses à l'avenir. Mon pauvre père était entrepreneur de bal public. Il m'a laissé un peu des propriétés, un peu du matériel, j'ai entendu que j'ai vendu. Et maintenant, il me reste encore quelques propriétés en châtaignier, en mimosa à Péménade, au quartier de la Grande-Genève. Ben, je travaille au marché pour passer un petit peu le temps parce que c'est pas correct de rester sur un banc. Autrement, on va dire, les gens qui vous voient, celui-là c'est un clochard, celui-là c'est un feignant. Et l'argent, on dit, ça ne fait pas le bonheur, mais celui-là qui n'en a pas, il sait pas quoi faire, il faut qu'il vive quand même. Mais j'espère une chose, je vais vous dire une chose, qu'il ne faut pas voler. Parce que de voler, ce n'est pas beau. On risque d'être attaqué par la police, on risque d'être abattu parfois. Pourquoi vous me dites ça? Je vous dis ça, hein? Vous n'allez pas le dire? Si, vous dites ce que vous voulez. J'ai un problème, ma seule solution en est, oui, il est de bon refaire la vie. Faire une vie d'espoir, d'avoir une femme, pouvoir l'aimer. Et pourquoi vous, jusqu'à maintenant, vous n'êtes pas marié? Ben, parce que par moment, on est des fois mieux seul que mal accompagné. Ah, la liberté n'est pas toujours la plus belle, parce que quand il faut se faire laver, qu'il faut se faire le manger ou n'importe quoi, on comprend très bien qu'il faut quelqu'un qui dirige un petit peu la maison, ou l'intérieur, ou l'extérieur. C'est dur de vivre seul, hein? La vie est très dure d'être seul. Parce que quand on se couche, qu'on se retrouve dans une chambre seule, on dirait vraiment une vie de chimère. Solitude, François L. Thank you. What I wish you to think of. Ce à quoi je vous veux que vous pensiez. Lee Strasberg. Is something that you do when you are alone. C'est quelque chose que vous faites lorsque vous êtes seul. Le moment privé. That you stop doing as soon as you hear somebody at the door. Et que vous interrompez dès que vous entendez quelqu'un arriver. And that you stop not simply because somebody interrupts. Et que vous interrompez non pas simplement parce que quelqu'un vous dérange. But you would never even want anybody to know. Mais parce que vous ne voudriez même pas que quelqu'un sache that you do that. Que vous le faites. Don't think that this is so terrible. Ne pensez pas que ce soit si terrible. Because many people who have read about this. Parce que beaucoup de gens qui ont lu à ce sujet, including one very prominent and able psychoanalyst, y compris un très éminent psychanalyste, have completely misunderstood ont complètement mal compris cet exercice, because they think parce qu'ils pensent that actually what people do que en réalité ce que les gens font when they are private quand ils sont seuls is so private et si privé that no one should ever know about it, que en fait personne ne devrait rien savoir à ce sujet except of course the psychiatrist, sauf le psychanalyste. Actually it turns out en réalité il se révèle that the kind of things que, that you have difficulty with que le genre de choses qui présentent pour vous des difficultés are often things that look to us very simple, sont souvent des choses qui pour nous ont l'air très simples. When you do sometimes this exercise, when actors do this exercise, quand les acteurs quelquefois font cet exercice, should always in one way or another include the audience. D'une façon ou d'une autre, il devrait toujours y avoir un public présent. Please remember. Souvenez-vous bien. That it's not simply a matter of doing something which you do when you are alone. Qu'il ne s'agit pas simplement de faire quelque chose que vous faites lorsque vous êtes seul. Many people do things when they are alone. Beaucoup de gens font des choses quand ils sont seuls. Which they wouldn't mind doing when other people appear. Et ça ne les dérangerait pas de continuer quand d'autres personnes arrivent. It happens that they're not married yet. Se trouve qu'ils ne sont pas encore mariés. Or, you know, that they're not staying with somebody else. Ou qu'ils ne vivent pas avec quelqu'un d'autre. And therefore they do these things when they are alone. Et donc ils font ces choses quand ils sont seuls. But when someone else would be there, mais si quelqu'un survient, it would not stop them from doing it. Cela ne les arrête pas. But that there are certain things, mais il y a certaines choses, and sometimes very simple things, et quelquefois des choses très simples, that people just do not do. Que les gens simplement ne font pas. They can be married. Ils peuvent être mariés. They may be very experienced in life. Ils peuvent avoir une grande expérience de la vie. And yet, somehow these things they have difficulty doing when there is a public. Et d'une certaine façon, en ce qui concerne ces choses, ils ont des difficultés à les faire dès qu'il y a quelqu'un. And by a public, I mean not a general public. Et quand je dis public, enfin, quand je dis quelqu'un, I mean c'est someone, pas le public en général. I mean someone close to you or somebody friendly. Mais je veux dire quelqu'un qui soit près de vous et un ami. And yet they're unable to do it. Et cependant, ils sont incapables de le faire. Sometimes it's as simple as quelquefois, c'est aussi simple que singing. Chanter. I've had people who say they have never sung. J'ai connu des gens qui disaient qu'ils n'avaient jamais chanté. Except when they're alone. Sauf quand ils étaient seuls. And it is for them. Et pour eux, c'est frightening experience. C'est une expérience terrifiante. Even though when we see it, même quand nous le voyons, we are hardly able to see why. Et nous ne pouvons pas dire pourquoi. But nonetheless, for them, that is a very somehow intimate and personal experience. Mais pour eux, en tout cas, c'est une expérience très intime et très privée. There are other people who have moments of living when they are alone. Il y a des gens qui ont un moment de réveil quand ils sont seuls. They will put on a phonograph. Ils mettront un disque. They will dance. Ils danseront. With a rhythm and a vitality, avec rythme et vitalité, which is startling, ce qui est assez étonnant, and yet which as soon as they hear anybody at the door, et cependant dès qu'ils entendent quelqu'un qui s'approche de la porte, they will stop, make believe that they were just cooking, ils arrêtent et ils font semblant seulement de faire la cuisine, or reading a book, ou de lire un livre. I don't know why, je ne sais pas pourquoi, but there is something very personal to them about that experience. Mais il y a quelque chose qui les touche d'une façon très intime en ce qui concerne cette expérience. Sometimes the experiences are even simpler than that. Quelquefois, les expériences sont même plus simples que ça. Some people talk to themselves. Des gens parlent, se parlent à eux-mêmes. They carry on in some kind of unusual way. Ils continuent d'une façon un peu inhabituelle. And from this, by the way, we learn, much to my surprise. Et de cette façon, nous apprenons souvent, à ma surprise, that what I always took to be a purely dramatic convention. Que ce qui a toujours été une convention dramatique, the soliloquy, le soliloque, the thinking out loud, la pensée, le fait de parler à haute voix, happens much more in life, arrive beaucoup plus souvent dans la vie, than I ever had any idea of, que tout ce que j'avais pu imaginer, before we started to do this particular exercise, avant que nous ne commencions à faire ce genre d'exercice, which we call the private moment. Ce que nous appelons le moment intime. It's private only because you do it only when it is when you are private. C'est intime seulement parce que vous ne faites cela que lorsque vous êtes seul. Often there is nothing specially private about what you actually do. Souvent il n'y a rien de spécialement intime dans ce que vous faites. Except your own attitude towards it. Sauf votre attitude personnelle vis-à-vis de ces actes. And we have found. Et nous avons trouvé that often this difficulty que souvent cette difficulté casts a veil, throws a veil, jette un voile over the entire area of the actor's expression. Tout entier sur la zone de l'expression de l'acteur. And that until the actor is able to do this particular things like this in public, et que jusqu'à ce que l'acteur soit capable de faire cet exercice particulier en public, which really means that he's able to control his concentration, ce qui veut dire en réalité qu'il est devenu capable de contrôler sa concentration, so that he's able to be private in public, ce qui lui permet de se conduire d'une façon intime en public, which is one of the famous phrases of Stanislavski, ce qui est un des leitmotifs fameux de Stanislavski. He is incapable of giving himself fully on the stage. Il est incapable de s'abandonner complètement sur la scène. Because no matter how concentrated he is, parce que quelle que soit sa concentration, he is always unconsciously, without his knowing it, more concerned with the audience. Il est toujours inconsciemment, sans le savoir, plus préoccupé du public than with himself. Que de lui-même. Not with himself as such, but with what he is doing. Non pas de lui-même en tant que tel, mais de ce qu'il doit faire. And to develop this additional special concentration, et pour développer cette concentration supplémentaire, which makes it possible for him to be within the world that he wishes to create, qui lui rend possible de se trouver dans le monde qu'il veut créer, able to separate himself from the audience, qui le rend capable de se distancié du public, at the same time that he's quite aware that the audience after all is there, tout en étant bien conscient que le public est là, but it does not interfere, mais cela ne se mélange pas, with his ability to concentrate, avec sa capacité de concentration. And very often, et très souvent, when we examine the actor's difficulty in concentration, quand on examine les difficultés d'un acteur en ce qui concerne la concentration, we find that it comes not from his difficulty that he has with the object, nous trouvons que cela ne vient pas des difficultés qu'il peut avoir avec l'objet, but rather with the presence of the audience, mais plutôt avec la présence du public. C'est extraordinaire. Non, je suis riche, bien sûr. Non, mais je travaille. Je travaille, je gagne de l'argent. Je suis riche. C'est pas de ma faute, j'ai pas cherché à devenir riche, j'ai cherché à gagner de l'argent. Alors maintenant, viens me reprocher, monsieur, vous êtes très riche, tout de même, c'est extraordinaire. Je parle tout seul. Roland Dubillard. Oui. Oh, mais je sais. Oui. C'est tout seul que je parle pas comme ça.

So I asked some of the people. Donc, j'ai demandé à quelques personnes. Do you have something that you do in private? Y a-t-il quelque chose que vous faites en privé? Which even in private is difficult for you. Qui, même en privé, présente une difficulté pour vous. Which you can do only in private. Que vous ne pourriez faire qu'en and, privé. And even in life. Et même dans la vie. Where there is no professional public. Où il n'y a pas de public professionnel. As soon as there is the sense that someone is coming in. Dès qu'on a la sensation que quelqu'un arrive. You can't do it anymore. Vous ne puissiez plus le faire. It turned out, yes. Il y a eu une réponse affirmative. That I had hit on a very rich vein. Que j'avais trouvé une veine très riche. Yes. And that many people had these kind of experiences. Et beaucoup de gens avaient effectivement ce genre d'expérience. And that we started to try. Et donc nous avons commencé des essais. And we came across. Et nous avons quite an astounding discovery. Fait une découverte vraiment surprenante. That in private. C'est-à-dire qu'en privé, many people often express themselves. Beaucoup de gens s'expriment with a vividness, souvent avec une vivacité and a fullness of reaction, et une plénitude de réaction that is not only startling in itself, qui n'est pas seulement étonnante en elle-même, but that they're incapable of making use of on the stage. Mais qu'ils sont incapables d'utiliser sur la scène. That people, in other words, that are inhibited, donc, en d'autres termes, que les gens sont inhibés, often have moments in private, qu'ils ont souvent des moments en privé, where they themselves overcome this inhibition. Où ils surmontent cette inhibition. I asked this girl that I had been talking about, donc, je demandais à cette jeune femme dont je parlais, did she have a private moment? Est-ce qu'elle avait un moment privé? And she wasn't sure. Elle n'était pas sûre. Which is always the sign that there is. Ce qui signifie toujours que ça existe en réalité. But that it's not quite simple to deal with. Mais que ça n'est pas un problème très simple. I said, fine, think about it. Je lui dis, bon, pensez-y. It is never good to push yourself. Il ne faut jamais se forcer. Because as I keep saying, the actor should not challenge himself. Parce que, comme je l'ai déjà dit, l'acteur ne doit pas se poser des épreuves. And she came in one day and said, I had a private moment. Et un jour, elle vint en me disant, oui, j'ai un moment privé. She brought a record player. Elle amena un électrophone. She put on Spanish music, I don't know. Elle mit de la musique espagnole, je ne sais plus. She sat. Elle s'assit. Her room, that is, it was on the stage. Sur la scène, mais enfin, c'était censé être sa chambre. The whole point is that you do not imitate what you do in the private moment. Le point important est que vous n'imitez pas ce que vous faites dans ce moment privé. The emphasis is on creating the place. Vous devez faire un effort where each thing would be if this was your private place. Pour recréer un endroit où chaque chose se trouverait si c'était votre chambre ou votre pièce. We permit her to bring something that may remind her of the privacy. Nous l'avons autorisé à apporter quelque chose qui lui rappellerait son intimité. Because it's something that would be only in that place. Quelque chose qui serait seulement à cet endroit. Yes. She created the place. Elle créa le lieu. She started to think about something. Elle commença à penser à quelque chose. She was alone in the room. Elle était seule dans la pièce. With some kind of mood, I didn't quite know what, but it was a mood. D'une certaine humeur, je ne sais pas exactement ce que c'était, mais enfin. She put on the record player. Elle mit l'électrophone en marche. She didn't try to do anything. Elle n'essaya pas de faire quoi que ce soit. She let it play. Elle le laissa jouer. Suddenly, she started to dance. Et soudain, elle commença à danser. Mon bon père était entrepreneur de bal public. Avec violence. Dynamic. Et un dynamisme. Which was not just surprising, but startling. Qui était non seulement surprenant, mais étonnant. The voice changed. La voix a changé. For the first time, the face changed. Le visage, pour la première fois, a changé. Mon pauvre père était entrepreneur de bal public. But the main thing was that the vividness and fullness of expression. Mais la chose principale, c'était que la vivacité de l'expression et la plénitude étaient d'une telle qualité que mon pauvre père était entrepreneur de bal public qu'il était évident que nous avions touché ici une inhibition très forte. Mon pauvre père était entrepreneur de bal public et que le moment privé était capable. Que mon pauvre père était entrepreneur de bal public. Les commerçants. Les. Qui se disent bien quoi. Et nous, comment on n'est pas des gens bien. Comment est-ce qu'on se dit, ceux qui se disent bien par rapport aux autres. Bah, le breton, enfin auvergnat, enfin. Bah, ils ont la cravate, tout le monde. Alors, moi, j'en reviens entre parenthèses, c'est vrai. J'aime mieux les balles de province, les balles de petits pays, balles parisiens. Que les balles de parisiens. Ils flirtent aussi. Ça les regarde. Je sais pas, ils flirtent à leur manière. C'est une routine, quoi. C'est une routine entre eux, voilà, c'est ça. moi, je suis jeune. Je vais danser, puis à 5h du matin, on s'en va, automatiquement. Vous me suivez, hein? Samedi soir, bal de Jean Thibaudeau. Prions d'As 1970. Voilà. On met la musique. Leçon particulière de valse anglaise. J'ai pas la page, évidemment. Ceci est un cours collectif de premier degré de cha-cha-cha. Également de premier degré du rock. Et il y a une passe, 3 et 4, et on charge la main 5, 6. Parce que nous avons fait une fois déjà dans un cours. On la ramène dans les bras. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6. Je ne comprends plus rien aux danses qui dansent, par exemple. Vous savez, ça, je ne comprends plus rien, je ne comprends pas. Une danse, vous savez, ils se tiennent par la main, ils se lâchent. Je veux bien, mais moi, je n'appelle pas ça une danse. Ils se tâchent, ils se tiennent par la main, comme ça, l'un côté de l'autre, ils sont à... Je comprends pas. Je n'ai pas la page, évidemment. Je la fais passer sous son bras droit. 3 et 4, et change de main à 3 et 4 pour me trouver un vis-à-vis. 5, 6, à vous. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6. Vous êtes tous un vis-à-vis et en séparation. Les bras des danseuses doivent avoir... Un mouvement de rocky rock. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, passe à la danseuse. Jerk de premier degré. Je suis jamais allée au cours de danse. C'est venu comme ça, instinctivement, à force de danser. Vous savez, j'ai jamais appris, quoi. C'est drôle. Je suis jamais venue dans un endroit pareil. Finalement, on s'amuse. C'est drôle de regarder les gens. J'ai à peu près chaque semaine 6 balles en France. Ce qui équivaut à peu près à 6000 personnes par semaine. Voilà. Et j'ai d'ailleurs remarqué une chose, c'est que les balles qui marchent fort, ce sont ceux qui sont en dehors des villes. Ah bon, pourquoi ? Parce qu'il y a la promenade en voiture au retour, et cela permet beaucoup de choses. Donc, par exemple en ville, ça marche beaucoup moins fort qu'en province, et beaucoup moins fort qu'en banlieue, à cause de cela. Et qu'est-ce qu'il y a là, c'est pas... Ce sont des jeunes, surtout ? En général, entre une moyenne entre 17 et 25 ans. Vous voyez, à peu près la moyenne, suivant la catégorie des balles, sauf les balles de société, les balles un peu sérieuses, car il y a des balles sérieuses aussi. Alors là, c'est une autre catégorie. Enfin, en général, c'est entre 17 et 25. On danse avec des femmes de 45 ans, 50 ans, comme avec des jeunes de 15 ans. Ouais. Vous voyez ? Pour ça, c'est formidable. Enfin, ce que je préfère, c'est quand même le bal populaire. Le vrai bal, c'est celui-là. C'est-à-dire où on vient danser pour danser et pour flirter. Berry, Jules, il dansait merveilleusement, hein. Ah bon ? Oh, il dansait délicieusement. On dansait tout le temps. On allait au restaurant, tout d'un coup, il y avait de la musique, hop, on se levait de table et on dansait. Et on se fichait de tout le monde qui était là, sans aucune importance, on dansait. Entre les tables et entre les plats. On dansait pour son plaisir, vraiment pour son plaisir, alors. On était sur le bateau, il y avait un bout de quoi, et hop, les musiciens venaient, ils dansaient, là, on partait, on dansait. Nous étions les seuls, d'ailleurs, parce qu'ils dansaient délicieusement bien. Avec beaucoup de charme, d'ailleurs, il avait beaucoup de charme, et alors, dans la danse, ça se sentait très bien. Ça se sent, vous savez, quand on danse avec charme. Dans la semaine, disons que c'est calme. Oh, ce tango, ça me rappelle l'Argentine. Pourquoi ? J'habitais en Argentine quand j'avais 18 ans. Bon ? Mm-hmm. Et là, les tangos ? On allait danser dans des... dans des petits boliches, les boliches, c'est les cafés d'ici, mais les cafés presque mal famés. Il y avait toujours des orchestres qui jouaient des tangos extraordinaires. Et les Argentins le dansent, mais d'une façon vous ne pourriez jamais imaginer ici. Habillés comment ? Oh non, rien à voir avec les gauchos. Non ? Non. Mais qu'est-ce que vous faisiez en Argentine à 18 ans ? J'avais suivi un homme. Ah bon ? Mm-hmm. Et alors ? C'était tout simplement mon mari. Mais les aventures. Ah, bien sûr. Des aventures, question fille, bien sûr. Ça nous arrive en principe toutes les semaines. Nous, on tâche de s'amuser jusqu'à au moins 30 ans. Vous faites rigoler, vous, des aventures. Bonsoir. Bon, bah, automatiquement, bon, bah, on vient dans un bal, c'est pas pour jouer à la bille, hein. Non, mon mari est d'origine italienne, c'est ça. Pourquoi aimez-vous justement aller au bal ? Pour s'amuser. Oui, pour s'amuser, quoi, pour passer soirée, quoi. À chaque fois que j'y viens, je m'amuse très bien, je fais des connaissances de filles, je fais, enfin... Ah ben, je danse. Je danse. Tu drailles ? Non, viens pour flirter. Et vous aussi ? Moi ? Oui. Oh, ouais, c'est dans la mesure du possible. Le bal, c'est fait pour flirter. Ah ouais. D'ailleurs, vous savez qu'il y a une très grande colonie française dans tous ces pays d'Amérique latine, particulièrement en Argentine, en Uruguay, peut-être au Chili, je ne sais pas. Des gens qui viennent soit du Béarn, soit du Pays Basque. Nous, on aime bien dans la Bretagne être libre. Enfin, je ne sais pas, entre bal, mais... vous savez comment ça se passe entre nous en province. On aime bien être... Moi, je ne suis pas breton, ma mère est bretonne, je suis, disons, descendant breton, mais j'aime mieux les balles de pays, petit pays, vous voyez. Mm-hmm. Mais ça n'a rien à voir, pourquoi une femme dans les balles de pays, c'est comme une femme ici, c'est pareil, seulement ici... Vous... Ah non, moi, vous vous trompez. Moi, j'ai même dit, il y a 10 ans, tous les balles de campagne, il y a de la bagarre, et puis quand même, c'est pas très intéressant. Puis ici, voilà... Je peux pas dire qu'on est tranquille, mais enfin... Alors, en somme, vous aimez le bal sérieux? J'en sais rien. Pas du tout. Merci. Evelyne, vous venez danser là tous les soirs? Pas tous les soirs, mais très souvent. Très souvent, qu'est-ce que vous trouvez ici? Bah, je trouve d'abord une ambiance très rare et d'autre part je trouve que les gens sont très drôles et on trouve pas des gens comme ça partout à Paris. J'adore l'ambiance, le milieu des musiciens. Ça dépayse complètement. Hein. Pardon ? Ça dépayse complètement. C'est-à-dire ça doit dépayser beaucoup de gens, mais moi je me sens dans mon élément naturel, c'est pour ça que je viens. J'aime beaucoup, c'est-à-dire j'ai mes crises, mais en général j'aime beaucoup. J'ai des fois où je danse toute la nuit, enfin en règle générale j'aime beaucoup danser, ça m'amuse. Quel genre de filles viennent là? Quel genre de filles? Oui. Ben c'est des femmes, plutôt. Ah. Ils ont des femmes. Ouais. Vous êtes femme. Ouais. Je le vois. Mmh. C'est pas des jeunes filles. Des femmes, ils ont au plus 30 ans. Mmh. En dessous, on va pas. Oui, ça, je peux pas dire plus. Bon, moi, je m'amuse très bien à la rue de la Bretagne. Vous avez retrouvé un peu la Bretagne, quoi. Je trouve un peu la Bretagne à cause de la boule rouge qui est un peu auvergnate, enfin. Qui est un peu auvergnate, enfin, mais c'est un peu le même thème, vous voyez. Mmh. Que, je sais pas, entre nous, c'est une ambiance entre nous. Enfin, s'amuse entre nous. On est la boulot, Charles de Lap. Moi, j'y ai passé. Comprenez entre nous, c'est une très bonne ambiance. Ans. Enfin, ouais. Mais je veux vous dire une chose, c'est qu'ici, personnellement, de l'ambiance, il y en a peut-être une, et peut-être étrangère, et pas tellement française. Peux-tu Non, non. La Mauritanie, vous savez que j'étais en Mauritanie, mais je vous jure. Si, j'ai fait toute la côte mauritanienne. Mm-hmm. J'ai même habité avec les pêcheurs mauritaniens, des pêcheurs qui pêchent à la nage, avec d'immenses filets qu'ils déploient en les tenant deux par deux. Il faut encore que je vous raconte ma vie privée. Mais la plupart, c'est des autres que j'ai habité à Dakar. Et... Moi aussi. Non, j'ai habité à Dakar. Alors, il y avait les Mauritaniens qui venaient comme ça vendre des bijoux. Oui, il y a un marché mauritanien d'ailleurs, à Dakar. Avec leur chapeau. Oui, ils font de l'argent ciselé qui est très beau. Pourquoi? Vous aimez le bal? Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans le bal? Bah, j'aime danser, j'aime jamais. Quel genre de danse? Bah, je suis un Algérien. Oui. Je suis en France. Je travaillais. J'ai ma messe. Qu'est-ce que vous faites de métier? Bah, je suis travaillé aux usines. Oui. Tourneur. Tourneur. Tourneur-gisteur. Oui. Je danse, j'ai ma mise. Et vous avez des amis ici? Oui. J'ai des amis, j'ai des copains français, algériens. Et puis? Oui. Je vais bientôt marier. Voilà. J'ai d'ailleurs reçu de nombreuses lettres me remerciant de gens qui reviennent nous voir. Et qui nous disent, enfin, là, vous vous rappelez, on s'est connus à votre bal, il y a 4 ans, 5 ans. Ça, c'est l'avenir. Cela dure depuis 10 ans, j'ai fait un compte approximatif, j'ai fait danser 2 millions de personnes. Oh, rarement, hein, le samedi soir, oui. J'ai fait 700 000 kilomètres, vous voyez. Oui, on aime beaucoup la danse, nous aimons la danse, oui. Et j'ai beaucoup de mariages à mon actif. Allez, tout le monde! Comment? Oui, assez souvent. Et oui. Vous allez toutes les fois? Enfin, pas toutes les fois. Mais c'est la distraction que vous préférez? Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes au bal? Et ce genre de musique? Là, actuellement? Oui. Oh non, pas du tout. Qu'est-ce que vous préférez? Oh non, c'est la musique pop, hein? Oui. Ah oui, beaucoup. Alors pourquoi? Pourquoi il n'y a jamais de musique pop ici? Parce que les gens des Andes n'aiment pas ça. On conteste les gens qui se moquent de tout ça. Souvent, c'est des Algériens. Oui. Il y en a quelques-uns, français aussi, portugais, espagnol, italien, enfin, de tout. Oui, j'ai dit oui, je veux bien, oui. Parce que ça peut être triste, tous ces gens qui s'amusent. Moi aussi, moi je te gagne tellement grande tristesse. Hein. C'est quelque chose que. C'est quelque chose que je peux aimer, enfin. Comprendre. Je sais pas, moi j'ai du mal à participer à ce genre de festivités presque. Enfin, réjouissons-nous, nous à telle date, à telle heure, parce que. Enfin, pour moi, je vis ailleurs, mais quand j'y suis, je suis, me semble, profondément d'accord. En fait, moi, je peux pas dire parce que c'est un genre de choses auxquelles je n'assiste que très, très rarement. Alors, peut-être que je pourrais entrer, mais il faut aussi une certaine... une espèce de disponibilité, une espèce de mythologie comme ça de la... Elle est contente. Elle l'aime ou autre chose. Je veux dire, ce sont toujours les mêmes gestes, les mêmes bêtises qui reviennent, les mêmes. Sauf le fait qu'elles sont multipliées parce que nous nous multiplions, mais c'est tout. Oui, le bal, il faut bien le dire, le bal, c'est le moyen aux filles et aux garçons de se rencontrer. Il n'y a pas de problème puisque nous l'avons tous fait, puisqu'on allait au bal pour trouver une fille et vice versa. Hein. Même maintenant. L'aventure, oui, si elle se présente, pourquoi pas. C'est vrai. Pas mal de gens se sont mariés, si vous voulez, justement. Ils sont connus dans des bals, dans des dancings. Si l'occasion se présente, et c'est la vie, c'est un point d'interrogation, on peut pas décider nous-mêmes, c'est... Vous allez au bal pour chercher une future femme ou... Non, là... Pas forcément. Puisque dans la vie, on en rencontre des femmes, comme les jeunes filles rencontrent des jeunes hommes. Mais on vient à la recherche de quelque chose. On vient pour draguer, quoi. Pour draguer. Et ça marche? Des fois, ouais. Oh, je suis avec les copains, c'est-à-dire ce soir je suis pas tellement en forme. On va manger au restaurant, puis j'en ai un petit coup, alors comme j'en ai un petit coup, ça marche pas. Pourquoi ça marche mieux quand vous êtes en forme? Hein? Pourquoi ça marche mieux quand vous êtes en forme? Parce que je suis plus gay. Hey Loulou, ma bière. Loulou, ma bière. Pas mal. On est original. Et les filles se laissent draguer ici? Bah, aux Andes, c'est bien, rarement aux Andes. Elles sont bien ici? Pas mal. Est-ce qu'elles sont chaudes? Je sais pas. Non, et alors ? Ça fait trois fois que je suis venu ici, alors. Oui. Et alors ? Vous en avez eu beaucoup ? Hein ? Vous en avez dragué beaucoup ? Deux, je crois. Deux ? La première fois. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après ? Ah. Non, je veux dire, vous les avez revus. Ah non. Non, c'est juste pour la soirée, quoi. Pour la danser. Première, rien du tout, enfin, quelques bricoles. Bricoles, quoi. J'y vais parce que, d'abord, de chez moi, c'est pas loin. Et que c'est le seul, dans mon quartier, que le plus pratique, quoi. La deuxième, ça s'est terminé dans une voiture. Mais vous l'avez plus revu après. Non. Oh, c'est vite fait, j'aime pas garder longtemps. Et vous avez pas envie de la revoir? Oh non. Elle vous a quitté comme ça, elle aussi, en s'en foutant? Non, c'est moi, j'ai dit je reverrai et puis jamais revu. Pourquoi vous n'aimez pas revoir les filles? Ah, je sais pas. Bon, je sais pas, j'ai jamais fait cette expérience. Non. Non. Non. Vous, oui. C'est arrivé. Oui, bien sûr. Ça arrive peut-être plus facilement aux hommes qu'aux femmes. Pour moi, ça, c'est des expressions. On s'exprime quand on va à un bal. On se délasse. On extériorise tout ce qu'on a emmagasiné pendant la semaine, le travail, tout ça. Bon, alors là, c'est un délassement, quoi. Je crois que dans une salle comme on est là en ce moment, on a une ambiance, mais c'est pas l'ambiance de cabaret ou de petite boîte comme on trouve, quoi. Quoique l'ambiance est assez bonne dans l'ensemble ici. Oui, oui. L'atmosphère est bonne, les lumières jouent un grand rôle aussi, je crois que on est là pour s'amuser, pour se distraire, pour draguer un peu, quoi. Pour trouver une occasion, je sais pas, une fille ou n'importe, je sais pas. Vous avez des idées politiques? Vous croyez que je pourrais les confesser ici? Oui, pourquoi pas. Bien sûr. Bien sûr. Mais je vous connais pas suffisamment pour vous les... Et pourquoi vous n'êtes pas resté là-bas? Les circonstances. Je suis revenu en France ensuite. C'est que les choses ne se font pas d'une façon très manifeste. C'est petit à petit. Hein. Oui. Enfin, on sent un étau qui se resserre de plus en plus. Pour faire, si vous voulez, le bal nous permet, si vous voulez, de nous mettre à l'aise, hein, et d'oublier tous nos soucis quotidiens. Voilà. C'est le moment où on se trouve vraiment, où il n'y a pas de boulot, on ne travaille pas, on vient ici pour... on s'oublie, voilà. Et je crois qu'il faut au moins un moment de sa vie pour s'oublier. Hein, ça compte beaucoup. J'ai pas le temps, je travaille. parce que toute la semaine on travaille, alors faut bien se défouler. On en a un peu besoin parce que après une semaine de travail, on est quand même content de pouvoir aller danser le samedi ou le dimanche, quoi. Et dans la journée, vous travaillez ? Oui, je suis styliste. Oui. Je suis styliste. Ah bon ? Peut-être qu'on sera très fâchés après. Non, sûrement pas. Vous appelez ? Françoise. Vous avez l'air dégoûté, là. Non, je suis en train de chercher. Je réfléchis. Est-ce que j'ai l'air dégoûté quand je réfléchis ? Non, non. Oui. Vous n'êtes jamais irritée ? Aussi, je suis même très agressive. Déjà dansé ce soir ? Non, il vient d'arriver. Ah, vous venez d'arriver. Il vient d'arriver. Oui, je viens d'arriver, alors... C'est pour ça que c'est une orchestre que je connais pas. Je l'ai vu plusieurs fois sur... Comme je suis des Anglais, là. Ça fait 37 ans que je suis aux Anglais. Ah, ouais. Alors ben, tu payes. Alors maintenant, tous les orchestres, ils viennent... Je viens de t'entendre, ouais. Je pense, Et l'histoire. Vous aimez mieux ça que d'aller au cinéma ? Moi, je préfère venir au bal qu'aller au cinéma. Hein. Ah bon ? Ah oui. Le cinéma, c'était bon dans le temps quand j'étais jeune, mais maintenant j'aime autant. Parce que ce que vous aimez, c'est rencontrer des gens. Oui, c'est... on a beaucoup plus d'ambiance de se rencontrer comme ça. On rencontre beaucoup plus de copains, puis on fait beaucoup plus de connaissances. Quoi. Et vous avez d'autres amis ici, ou bien vous êtes là tout seul ? Ben, c'est une chose que c'est très difficile à vous dire. Oui. Parce que j'étais marié, puis... Vous l'êtes plus. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous s'oublier ? S'oublier, c'est-à-dire se retirer un peu du milieu dans lequel on voit toujours le même milieu et tout ça, et il est préférable de temps en temps de se retirer de ce milieu. À quoi pensez-vous ? Après un silence. Je trouve qu'on s'amuse bien. Et puis le décor, tout y fait, quoi. L'orchestre, le décor, tout. Je peux pas dire. À la danse, c'est amusant, c'est... on s'amuse. Le samedi, je danse et puis le dimanche, je vais aller au cinéma. Salut. Au cinéma. Il y a une espèce d'insistance qui me... Vous voulez me faire taire ? Pas tout à fait. Toutes les histoires ne se passent pas en même temps. Non, c'est pour ça que c'est si difficile de s'entendre. On est toujours à des moments différents ou décalés. On va toujours. On sort de fatigue à revenir. C'est vrai. C'est vrai. Il y a des jours où on a envie de se mettre dans un trou de ne plus bouger. Les femmes mûres, comme on dit, bon, bah, qui viennent danser, qui s'amusent. Bon, bah, disons que leurs maris sont en déplacement. Bon, bah, j'en connais beaucoup. Hein. Ils sont en déplacement. Bon, bah, ils vont danser, ils vont comme tout le monde. Bon, bah, automatiquement, c'est normal. Pour moi, c'est normal. Comment vous faites pour ne pas dormir ? toute une Ça nuit. Dépend. Dans quoi je suis ou avec qui je suis. Ah, est-ce que vous aimez ça? Beaucoup. Oui. C'est vrai? Je vous dis. Et en même temps, dans votre, dans ce que je crois connaître de votre, de vous, de votre personne, et puis ou certaines choses. Ce que vous croyez deviner. Non, non, ce que je vois, enfin, tel que, comme je vous vois, certaines choses que vous m'avez dites. Oui. Une espèce de hasard objectif, enfin, il y a toutes sortes de d'éléments qui se recouvrent avec... Enfin, j'ai remarqué que très... Enfin, c'est une chose qui se produit. Non? Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être, oui. Le bal représente une forme d'expression aussi, je pense. Le bal... permet à notre corps de lui donner vie. On le sent vraiment. Quand je me sens dans un bal ou quand je danse, je sens mon corps. C'est vraiment sincèrement. Les idées, ça change plus ou moins les idées. Ouais. Je sens que j'existe. Comme Brigitte Bardot l'a dit, je danse donc je suis. Vous dites la même chose. Hein? Moi je dis je danse donc je vis. Hein? Tu es sceptique moi, pourquoi? Je trouve que ça décontracte. De danser, ça décontracte, c'est vrai. Je sais pas. Vraiment, on a plus d'autres idées en tête. Je sais pas, on danse. Qu'est-ce que vous faites maintenant? J'ai pas très envie de rentrer tout de suite. Vous venez chez moi? Non. Mais je voudrais quand même pas que vous me laissiez. Non. Pas tout de suite. J'ai l'habitude d'y aller, bien que je n'aime pas. Je n'aime pas le bal. Non, je viens ici parce que... Parce qu'il n'y a pas tellement de distractions. Je suis sûre que vous aimiez beaucoup ça. Pardon ? Je suis sûre que vous aimiez beaucoup ça. Danser ? Je ne sais pas danser. Vous savez pas ? Ah, les gens des Andes n'aiment pas ça. C'est rien, faut le croire. Alors c'est un bal sérieux, somme toute. Ouais, parce qu'il drague aussi. Les drailles, ça m'étonnerait. Non, je sais pas. Oui, c'est pour sortir. Vous pensez pas qu'il s'ennuie? Bon, non, je crois pas qu'il s'ennuie. C'est pour sortir leur festival de l'arbre. Et pourquoi vous n'organisez pas Nous, à leur place, même. Enfin, bah, nous sommes pas des Andelys, hein. Ah bon? Non. Nous sommes de la région des Trépanier. On n'organise pas quoi? Je sais pas, enfin des... Ça vous a jamais fait envie? Envie, oui, non, mais en fait, je sais pas. Moi, c'est du midi, alors, vous savez, nous, c'est la mer. Ça. Sorte de révolution, de tournant. Le tournant était pris, était commencé depuis longtemps. Oui. Oui. Mais aujourd'hui, c'est une chose qui s'est arrêtée, qui s'est fixée, disons. La première fois que vous venez au bal? Oh non, c'est plusieurs fois. Plusieurs fois. Qu'est-ce que vous faites au bal? Qu'est-ce que vous avez fait? Danser, vous voulez dire? Oh non, pas tellement. Vous n'avez pas l'air de danser. Cette musique, qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal. Pas mal. Quel genre de filles vous aimez? Des très jeunes? N'importe. Des petites? N'importe lesquelles? Évidemment, plus ou moins bien. Je préfère les biens que les moins bien. Et les femmes? Moi, pareil. Ah, c'est pareil pour moi. Et ça vous arrive? Oh, ouais. Moi aussi les femmes. Je vous dis, la part c'est Kev. Moi qui sont pas mal. Dormir ensemble? Oui. semble que vous êtes bien jeune pour venir au bal. Quel âge vous avez? Moi j'ai 12 ans et demi. 12 ans et demi, et vous? 13 ans. 13 ans? Oh ben des fois on refuse. Là vous êtes timide dans la salle des garçons? Oh, ça dépend lesquels. Vos parents vous laissent sortir? Non. Avec qui vous êtes venus? Avec mes parents. Ah, et quand vous dansez avec un garçon, ça vous embête pas qu'il soit là? Oh ben j'ai jamais dansé avec un garçon quand ils sont là alors. Ah. Je danse toujours avec des filles. Pendant qu'ils ne vous voient pas? Parce que les parents étaient là. Ah oui, ils surveillaient. Alors, je me rappelle. À cette époque-là, on dansait le tango. C'est surtout le tango qui dominait à cette époque-là. On dansait le tango tout le temps, partout. Et on dansait, alors comme des fous, sans arrêt. Oh, moi, j'aimais beaucoup le tango. Je ne vous parle pas des danses quand on était gamine, enfant, alors ça, c'est autre chose. Là, on dansait que la polka, alors à ce moment-là, c'est autre chose. Quand je pense à cette polka, on sautait comme des poules. Oh, c'était vilain, c'était vilain. C'était vraiment vilain. Puis alors, la valse. Mais la valse, j'ai jamais été très calée parce que ça me tournait tout de suite trop la tête et alors j'aimais pas. Enfin, j'ai bien dansé. Maintenant, je suis sûre qu'avec un bon danseur, le tango reviendrait tout de suite. Oh, j'en suis sûre. Et puis alors, il y a peut-être 60 ans que j'ai pas dansé, hein. Mettons ça. Pas 60, mais enfin 55. Vous venez pour danser? Bien sûr, oui. Vous venez seulement pour danser? Uniquement, oui. Malgré les apparences. Il faut pas l'ignorer. Hein. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? On est venu se promener. Vous promenez? Oui. Pourquoi la sortie d'un bal? Ah bah, si je vois qu'est-ce qui se présente comme reine. Vous voyez quoi? Qu'est-ce qui se présente comme reine? Comme quoi? Comme reine. Si tu sors là, t'es un petit peu fou, non? T'es à moitié sourd, t'es un petit peu... Mais justement, c'est un moyen qui te... Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir justement la nuit parce qu'ils ne sortent pas, parce qu'ils ne dansent pas, parce qu'ils ne se défoulent pas. Alors ils prennent des médicaments. Moi, pour moi, la danse, c'est une sorte de... C'est un stimulant. Mais laisse-moi te dire vraiment où je dors le mieux, c'est quand je danse. Ma petite, eh oui. C'est-à-dire que moi je dors parce que je suis tellement fou. Faut profiter de sa jeunesse. Ah oui, exactement. Hein, eh oui. Ça dépend. Ça dépend. Pas du tout. La moyenne, non. La moyenne, non. Vous êtes plutôt mal vu ici. Ouais. Surtout par les flics. Les flics? Parce qu'ils peuvent pas nous encaisser dans le quartier. Pour être tranquille, faut aller en campagne où il y en a pas. De quoi ils vous accusent? On est fringués. C'est la manière d'être fringué. C'est une vie de bourgeois aussi. Elles ont l'esprit bourgeois, c'est tout. Elles ont que l'esprit bourgeois. Il y a aux Andes, on s'amuse moins que dans notre balle, dans les environs. On ne peut pas faire ce qu'on veut vraiment aux Andes parce qu'on est tout de suite repéré. Moi, j'ai qu'à rentrer, je me fais remarquer toujours. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Je sais pas, nous, on va au bal, il suffit qu'il y ait une musique, c'est dans l'ambiance, on est tout de suite excités, moi, je sais pas, moi. Et au bal des environs, vous pouvez faire ce que vous voulez? Ouais, c'est pas pareil, c'est pas du tout pareil. Et les filles sont différentes au bal des environs? Oui, très différentes, oui. C'est-à-dire? Très différentes, parce que moi je connais un petit bled comme Courcelles où j'y suis toujours fourré, puis j'aurais pas inventé, mais j'ai une cote terrible là-bas. Tandis que ici, je suis plutôt mal vu. Et c'est un petit village, Courcelles? Ah, c'est un petit village, il y a 500-600 habitants. C'est plutôt des paysans? Ah non, des fermiers? Non, c'est une petite ville, je sais pas moi. Petite ville. Et l'ambiance est plus chaude qu'ici? Ah ouais, beaucoup, ouais. Parce que ici, les filles, elles sont fières ici. Tandis que vous sortez avec une fille de Courcelles, par exemple, vous allez au bal, vous n'avez pas peur de vous rouler par terre avec elle, vous asseoir n'importe où, ou de coucher dehors, on s'en fout. Mais ici, c'est pas du tout pareil. De toute façon. Non, c'est pas ça, enfin, ouais. C'est les filles à papa. De toute façon, moi. Un mot, elle me dégoûte ici. Hein. C'est pas du tout mon genre. C'est pas votre genre. Non, c'est trop snob, c'est trop snob, ouais. Et... jusqu'où voulez-vous aller? Jusqu'où voulez-vous aller, vous? Là, comme ce soir, bon, bah, la rue de Lappe, il n'y a plus rien. Ici, là, au Musette, je suis rentré tout à l'heure, j'ai vu rien, c'est mort. Bon, bah. Là, alors, vous allez rentrer vous coucher maintenant? Là, je suis garé à 300 mètres, je rentre. Ouais. C'est suffisant au bonheur des amants qui s'aiment tendrement. Une nuit à Monte Carlo. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Que tout le monde s'amuse et que tout le monde vienne sur la piste. Je dis non, qu'est-ce que vous faites maintenant? Peut-être que la fatigue. On rentre? Où? Chez moi? Oui. Il y a quelques bagarres, parce que, vous savez, quand même en France, on ne boit pas que du lait, hein, je me dis tout de suite. Mais c'est rare quand même, et ça s'arrange toujours. Ça se termine par un verre au bar après une bagarre, mais enfin... Ils consomment presque l'alcool. Ah bon, l'alcool. Ils n'ont plus leurs interdictions? Non. Non? Non, ils boivent de l'alcool presque tout le monde. On trouve 10 sur 100 qui ne boivent pas d'alcool. Donc, qui sont en France? Tout le monde boit encore de l'alcool. C'est j'ai fait tous les troquets du coin. Mm-hmm. Je les ai fait tous. Et j'ai attrapé une cuite. Ça, je le dis franchement. J'ai attrapé une cuite. Mm-hmm. J'ai fait tous les troquets ici. J'ai fait tous les troquets ici. C'est pas des blagues, j'ai fait tous les troquets. J'ai fait tous les troquets. Je les ai fait un par un. Je les ai fait tous dans la rue de Lappe. Je les ai fait tous à la Bastoche. Je suis fatiguée. Je suis souriante, élégante, fatiguée. Je suis perdue. Heureuse, oui. Heureuse, perdue. Il y en a combien qui viennent ici chaque samedi? Une machine à faire les mariages, comme la mairie, l'église. Pas seulement les mariages. Avant de poursuivre, on les applaudit parce que c'était vraiment bien. Bravo, mesdames, bravo, bravo. Eh bien, mesdames et mesdemoiselles, vous ne bougez plus. Et messieurs, je ne ferai pas de commentaires sur ce que vous allez voir, car messieurs, c'est à notre tour. Eh bien, bravo, messieurs. Voilà, on prend sa petite cavalière, on va aller, on se met au milieu de la piste. Non, c'est pas important. Allons-y, messieurs. Allons-y, messieurs, vous. En l'honneur de ces jeunes maïs aujourd'hui, nous allons prendre le tango nuptial. Alors je réclamerai les jeunes époux sur la piste. Voici votre tango, voici le tango nuptial. Je signalerai que toute personne qui prendrait part à ce tango et qui ne se serait pas mariée dans la journée se verrait à l'amende d'une tournée générale. Dormir. Oui, maintenant, je voudrais seulement dormir. M'endormir maintenant. Et on les applaudit bien fort, bien sûr. Et je ne sais pas de quoi j'aimerais rêver. Avec quelle couleur. Voilà. Et ta vie est changée. Elle ne sera plus la même. Jamais. Je le sais. J'aurai la vie de tout le monde. En disant, t'en manques un peu de souffle, pourtant, grand air de Brasson, il y a de l'air, là. Allez, on commence. 1, 2, 3. Et tout à l'heure, nous serons tous les deux. Seuls. Nous allons être ensemble. Tout à l'heure. Pour toujours. Et qu'est-ce que l'avenir ? Il me semble que l'avenir est toujours pareil, comme depuis toujours, depuis tout enfant, quand je m'endormais, que je l'imaginais, et j'avais peur qu'on vienne. Et je réclamerai les jeunes époux devant le plateau, monsieur et madame, approchez là, monsieur et madame, là-bas. Voilà, quand vous voyez, ils sont tous dans ma petite. Monsieur et madame, là. Venez, venez, mais venez. Oh, dites donc, ma part. Ah, c'est pas. Eh bien, suivant les traditions du grand art de Robinson, vous allez mutuellement vous souhaiter des vœux de bonheur. C'est-à-dire monsieur et madame, et monsieur et madame. Et comme ces gars, vous avez le droit qu'à une fois. Je dis qu'ils ont le droit à une fois parce que à chaque fois, il y a toujours un qui fait deux, trois fois le tour ici, c'est le dernier jour, sur profite quand même un petit peu. Ouais. Allez, on se fait la visite. Allez, monsieur, voilà. Et les joyeux proches qu'on en connaît, hein, c'est français pendant longtemps. Voilà, et voilà. Ah, dis donc, faut pas exagérer là, hein. Eh, vous ne bougez pas là. Ça y est, je vous le dis à chaque fois, il y a toujours un qui fait deux, trois fois. Alors, vous ne bougez pas, je vous mets à contribution, je m'en excuse. Eh bien, maintenant, c'est à vous tous que je m'adresse, et toujours en l'honneur de nos jeunes époux. Nous allons prendre un triple vent. J'ai bien dit un triple vent et on démarre à trois. On est prêts? C'était Samedi soir, bal de Jean Thibaudeau. Priondas 1970. Composé pour l'atelier de création radiophonique avec le concours de Janine Antoine, Viviane Vandenbroek, Cécile Brunner, Françoise Campo, Hélène Dieudonné, René Farabet, Marcel Grenier, Jean-Daniel Pellet, Martine Sarcey. Février 1936. La fêlure. Toute vie est bien entendu un processus de démolition. Mais les atteintes qui font le travail à coups d'éclat, les grandes poussées soudaines qui viennent ou semblent venir du dehors, celles dont on se souvient, auxquelles on attribue la responsabilité des choses, et dont on parle à ses amis aux instants de faiblesse, n'ont pas d'effet qui se voit tout de suite. Il existe des coups d'une autre espèce qui viennent du dedans, qu'on ne sent que lorsqu'il est trop tard pour y faire quoi que ce soit, et qu'on s'aperçoit définitivement que dans une certaine mesure, on ne sera plus jamais le même. La première espèce de rupture donne l'impression de se produire vite. L'autre se produit sans presque qu'on le sache, mais on en prend conscience vraiment d'un seul coup. Francis Scott Fitzgerald. Avant de commencer cette brève histoire, je voudrais faire une observation d'ordre général. La marque d'une intelligence de premier plan est qu'elle est capable de se fixer sur deux idées contradictoires sans pour autant perdre la possibilité de fonctionner. On devrait, par exemple, pouvoir comprendre que les choses sont sans espoir et cependant être décidé à les changer. Cette philosophie s'adaptait aux premières années de ma vie d'adulte, au cours desquelles je voyais ce qui n'était ni probable ni plausible, ce qui était souvent impossible, se réaliser. La vie était quelque chose qu'on maîtrisait, s'il en avait une valeur quelconque. La vie cédait facilement à l'intelligence et à l'effort, ou à ce que l'on pouvait mobiliser de l'une et de l'autre. Être écrivain à succès paraissait romantique et passionnant. On ne serait jamais aussi célèbre qu'une star de cinéma, mais la célébrité durerait probablement plus longtemps. On n'aurait jamais l'influence d'un homme à forte conviction politique ou religieuse, mais on serait certainement plus indépendant. Bien entendu, à l'intérieur même du métier, on était éternellement insatisfait. Mais pour ma part, je n'en aurais pas choisi d'autre. À mesure que les années 1920 passaient, mes propres 20e années les précédant de peu, mes deux regrets d'adolescent, n'avoir pas été assez solide ou assez bon joueur pour jouer au football à l'université et n'avoir pas pu traverser l'eau pendant la guerre, s'étaient enfantinement résolus par des rêves éveillés, par un héroïsme en imagination qui suffisait à m'endormir les nuits agitées. La vie, il y a 10 ans, était, pour une bonne part, affaire personnelle. Il fallait tenir en équilibre le sentiment de la futilité de l'effort et le sentiment de la nécessité du combat. Si j'y pouvais parvenir au travers des maux ordinaires, domestiques, professionnels et personnels, le moi se maintiendrait comme une flèche tirée du rien vers le rien, avec une telle force que seule la pesanteur finirait par l'amener à terre. Pendant 17 ans, avec une année de flânerie et de repos volontaire, les choses ont ainsi marché, et toute nouvelle tâche n'était qu'une agréable perspective pour le lendemain. Je me dépensais à vivre, aussi, mais jusqu'à 49 ans, ça ira bien, me disais-je. Et voilà que 10 ans avant ces 49 ans, je m'aperçus tout d'un coup que je m'étais fêlé avant l'heure. Or, il y a plusieurs façons de se fêler. La tête peut se fêler. Et dans ce cas-là, les autres vous enlèvent le pouvoir de prendre une décision. Ou le corps, et il n'y a plus qu'à se soumettre à la blancheur des hôpitaux. Ou les nerfs. Trop de colère et trop de larmes. En outre, pour en revenir à une proposition selon laquelle la vie procède par attaques différentes, je me rendis compte que je m'étais fêlé non pas au moment où je recevais le coup, mais au cours d'un sursis. Quelque temps auparavant, j'avais entendu dans le bureau d'un grand médecin l'énoncé d'un sérieux verdict. Avec ce qui semble rétrospectivement une certaine égalité d'âme, j'avais continué sans beaucoup réfléchir à ce qui n'était pas accompli, ni à ce que deviendrait telle ou telle chose qui dépendait de moi comme font les gens dans les livres. J'avais une excellente police d'assurance, et d'ailleurs, je n'avais été que médiocre intendant de presque tout ce qui m'avait été laissé entre les mains, y compris mon talent. Mais j'eus brutalement et fortement l'intuition qu'il me fallait être seul. Je ne voulais voir absolument personne. J'avais vu tellement de gens toute ma vie. Je m'entendais assez bien avec les gens, mais ce qui dépassait chez moi la moyenne, c'était une tendance à identifier mes idées, mon destin et moi-même avec les gens de toute classe que je rencontrais. Je passais mon temps à sauver les gens ou à être sauvé. En une seule matinée, j'éprouvais toutes les émotions de Wellington à Waterloo. Je vivais dans un monde d'ennemis impénétrables et d'alliés et d'amis inaliénables. Mais j'avais désormais envie d'être absolument seul, et je m'arrangeais en conséquence pour m'isoler jusqu'à un certain point des soucis ordinaires. Ce ne fut pas une période malheureuse. Je m'en allais et vis moins de gens. Je m'aperçus que j'étais fatigué pour de bon. Je pouvais rester couché, et j'en étais content. Je dormais ou somnolais quelquefois 20 heures par jour. J'essayais énergiquement entre-temps de ne pas réfléchir. À la place, je faisais des listes et je les déchirais. Des centaines de listes. De commandants de cavalerie, de joueurs de football, de villes, d'airs populaires, de cruches, d'époques heureuses, de dada, des maisons que j'avais habitées, et de tous mes complets depuis que j'avais quitté l'armée, et de toutes mes paires de souliers, Et la liste des femmes qui m'avaient plu, et de toutes les fois où je m'étais laissé snober par des gens qui n'avaient ni plus de personnalité, ni plus de valeur que moi. Et tout d'un coup, sans m'y attendre, j'allais mieux. Et je me fêlais comme une vieille assiette aussitôt que je la pris. En réalité, l'histoire finit là. Ce qu'il y faudrait faire devra reposer dans ce qu'on appelait jadis la nuit des temps. Qu'il me suffise de dire qu'après une heure passée dans la solitude à serrer mon oreiller dans mes bras, je commençais à me rendre compte que depuis 2 ans, la vie avait consisté pour moi à tirer des chèques sur des ressources que je ne possédais pas, que je m'étais physiquement et moralement hypothéqué jusqu'au cou. Que valait en comparaison le peu de vie qui m'était rendue, alors que j'avais jadis été fier de l'orientation de ma vie et certain que mon indépendance durerait. Je me rendis compte que pendant ces 2 années, pour préserver quelque chose, un silence intérieur peut-être et peut-être non, je m'étais sevré de toutes les choses que j'aimais, que tous les actes de la vie, me brosser les dents le matin, avoir des amis à dîner le soir, me demandaient désormais un effort. Je m'aperçus que depuis longtemps, je n'aimais plus les gens ni les choses, mais que je continuais tant bien que mal et machinalement à faire semblant de les aimer. Je m'aperçus que même l'amour que je portais à ceux qui m'étaient le plus proche était devenu tentative d'aimer, que mes rapports de hasard avec un directeur de journal, un marchand de tabac, l'enfant d'un ami, se bornaient seulement à ce que je me rappelais qu'il fallait dire, d'après le passé. Il me suffit d'un mois pour que des choses telles que le bruit de la radio, la publicité dans les revues, le hurlement des rails, le silence de mort de la campagne me remplissent d'amertume. La douceur humaine de mépris, la dureté de ressentiments cachés mais immédiats, la nuit de haine parce que je ne pouvais pas dormir et le jour de haine parce qu'il aboutissait à la nuit. Il y avait des lieux, il y avait des visages que je pouvais regarder. Comme la plupart des gens du Middle West, je n'avais jamais eu que les préjugés de race les plus vagues. J'avais toujours eu un secret faible pour les jolies Scandinaves blondes qu'on voyait assises sous les vérandas à Saint-Paul, mais qui n'avaient pas atteint un niveau économiquement suffisant pour faire partie de ce qui était alors la société. Elles étaient trop bien pour être de petites poules, et elles avaient quitté depuis trop peu de temps les fermes natales pour s'être fait une place au soleil. Mais je me souviens que je faisais le tour de blocs entiers, rien que pour apercevoir une seconde ses cheveux éclatants, l'éclair de lumière d'une jeune fille que je ne connaîtrai jamais. Voilà ce qui ne se dit pas. Voilà qui s'écarte du fait que ces derniers temps, je ne pouvais supporter ni Celtes, ni Anglais, ni politiciens, ni étrangers, ni les habitants de la Virginie, ni les nègres, clairs, ni foncés, ni les gens qui chassent à court, ni les employés de magasins, ni les intermédiaires en général, ni aucun écrivain. J'évitais avec soin les écrivains parce qu'ils entretiennent les embêtements comme personne. Non plus que les classes en tant que classe et que la plupart des gens en tant que membres de leur classe. J'essayais de m'accrocher à quelque chose. J'aimais bien les médecins et les petites filles jusqu'à environ 13 ans et les petits garçons bien élevés à partir d'à peu près 8 ans. C'était là les quelques rares catégories de gens avec qui je pouvais me sentir heureux et en paix. J'oublie d'ajouter que j'aimais bien les vieillards, les hommes au-dessus de 70 ans. J'aimais bien sur l'écran le visage de Catherine Hepburn, en dépit de ce qu'on disait de sa prétention. Et le visage de Miriam Hopkins aussi, et mes vieux amis, à condition de les voir une fois par an, et que je fusse capable de me rappeler leurs fantômes. Bien sous-alimenté, plutôt inhumain, n'est-ce pas? Eh bien, mes petits, c'est le signe même de la faille, de la fêlure. Ce n'est pas un joli tableau. Il a été inévitablement trimballé, bien encadré ici et là pour être soumis à divers critiques. De l'un d'eux, on ne peut dire qu'une chose, c'est une personne dont la vie fait paraître semblable à la mort, la vie des autres, même cette fois-là où elle jouait le rôle généralement ingrat du consolateur de Job. Bien que mon histoire soit finie, qu'on me permette d'y ajouter en manière de post-scriptum notre conversation. Au lieu de pleurer sur votre sort, voyons, dit-elle. Elle dit toujours voyons, parce qu'elle réfléchit, mais réfléchit vraiment quand elle parle. Elle dit donc, voyons, et si la faille n'était pas en vous, mais au Grand Canyon ? La faille est en moi, répondis-je héroïquement. Voyons, le monde n'existe que par vos yeux, que par l'idée que vous en avez. Vous pouvez en faire quelque chose d'aussi énorme ou d'aussi petit que vous voulez. Et vous vous acharnez à être un petit individu misérable. Nom de Dieu, si je me fêlais, je ferais éclater le monde avec moi. Voyons, le monde n'existe que par la manière dont vous le saisissez. Alors il vaut beaucoup mieux dire que ce n'est pas vous qui avez la faille, que c'est le Grand Canyon. Je réagis un peu à ce qu'elle me disait, mais je ne réfléchis pas vite. Et en même temps, je m'avisais que de toutes les forces de la nature, la vitalité est la moins communicative. On en a ou on n'en a pas. Comme on a de la santé ou les yeux marrons, ou de l'honneur ou une voix de baryton. J'aurais pu lui en demander, bien empaquetée, prête à faire cuire et à digérer, à la maison. Mais je n'aurais rien eu. Même en attendant un millier d'heures, la gamelle de ma compassion pour moi-même à la main. Je pus la quitter, franchir sa porte, je me tenais bien soigneusement comme on tient une poterie fêlée, pour regagner le monde de l'amertume où je m'installais avec les matériaux que j'y trouvais. Et après avoir franchi sa porte, je me répétais la citation « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, qui la lui rendra ?» Matthieu, chapitre 5, verset 13. Thank you. manier avec précaution. Mars 1936. Dans un article précédent, l'auteur a raconté comment il s'était rendu compte que ce qu'il attendait n'était nullement le gâteau qu'il s'était commandé pour la quarantaine. Bref, étant donné que le gâteau et lui-même ne faisaient qu'un, il se comparait à ces assiettes fêlées dont on se demande s'il vaut la peine de les garder. Quelquefois, cependant, il faut garder à l'office l'assiette fêlée. Il faut continuer à s'en servir dans le ménage. On ne peut plus la faire chauffer sur le poêle ni la laver avec les autres assiettes dans la bassine à vaisselle. On ne s'en servira pas quand il y a du monde, mais passé minuit, on peut y poser des biscuits ou la mettre dans la glacière pour contenir des restes. D'où la suite que voici, histoire d'une assiette fêlée. Le remède officiel pour quelqu'un qui est dans le trou, c'est de penser à ceux qui souffrent de misères véritables ou de douleurs physiques. C'est une recette de bien-être éprouvée pour le cafard en général, et pour tout le monde, le jour durant, un assez bon conseil à suivre. Mais à 3 heures du matin, un colis oublié prend une importance aussi tragique qu'une condamnation à mort. Et le remède est sans effet, et dans la nuit véritablement noire de l'âme, il est toujours, jour après jour, 3 heures du matin. À cette heure-là, on a tendance à refuser aussi longtemps que possible de voir les choses en face, et l'on se réfugie dans un rêve infantile, mais dont on est continuellement sorti par les divers contacts avec le monde. On y fait alors un accueil aussi rapide et aussi léger que possible pour se retirer de nouveau dans le rêve, avec l'espoir que quelque grande aubaine matérielle ou spirituelle arrangera les choses. Mais à mesure que la retraite persiste, il y a de moins en moins de chances d'aubaine. On n'attend plus de voir s'effacer le moindre chagrin, mais on devient le témoin rétif d'une exécution, de la désintégration de sa propre personnalité. À moins que ne s'en mêle la folie, la boisson ou la drogue, c'est là une phase qui aboutit à un moment donné à une impasse, et à laquelle succède le vide et la tranquillité. On peut alors essayer d'évaluer ce qui a été enlevé et ce qui demeure. C'est seulement lorsque le calme me vint que je me rendis compte que j'avais subi 2 expériences parallèles. La première fois, c'était 20 ans plus tôt, lorsque je quittais Princeton en première année d'études, après un diagnostic de malaria. Une radio exécutée 12 d'années plus tard révéla que ça avait été de la tuberculose, sans gravité, puisqu'après quelques mois de repos, j'étais rentré à l'université. Mais j'avais perdu certains postes, le principal étant la présidence du Triangle Club, invention d'opéra bouffe, et j'avais aussi reculé d'une classe. Rien à l'université ne serait plus pareil pour moi. Il n'y aurait finalement pas de marque d'honneur, pas de décoration. J'eus un après-midi de mars l'impression d'avoir perdu absolument tout ce que je désirais. Et c'est le même soir que je me mis à poursuivre ce fantôme de la femme qui, pendant un peu de temps, enleva son importance à tout le reste. La vie me semblait un rêve majestueux et je vivais des lettres que j'écrivais à une jeune fille d'une autre ville. L'homme ne se remet pas de pareilles secousses. Il devient quelqu'un d'autre et il arrive que l'être nouveau trouve de nouvelles choses à quoi se plaire. L'autre épisode parallèle à ma situation d'aujourd'hui prit place après la guerre, comme je venais une fois de plus d'étendre à l'excès ma ligne de combat. Il s'agissait d'une de ces tragiques amours, condamnées faute d'argent, auxquelles la jeune fille mit fin par bon sens. Au cours d'un long été de désespoir, j'écrivis un roman au lieu d'écrire des lettres, si bien que tout tourna bien, mais tout tourna bien pour un être différent. L'homme, avec un peu d'argent en poche, qui épousa la jeune fille 1 an plus tard, devait toujours nourrir une méfiance, une animosité fondamentale envers la classe des gens qui ne travaillent pas. Non pas la conviction du révolutionnaire, mais la haine sourde du paysan. J'ai vécu pendant 16 ans à peu près comme cet homme-là. Je n'avais pas confiance dans les riches, et cependant je travaillais pour gagner assez d'argent pour partager leur facilité de mouvement et la grâce que quelques-uns d'entre eux introduisaient dans leur existence. J'ai, durant ce temps-là, eu tous les chevaux de rigueur tués sous moi. Quelques-uns de leurs noms me sont restés, orgueil défait, espoir déçu, sans foi, fanfaron, coup dur, jamais plus. Puis, au bout de quelque temps, je n'eus plus 25 ans. Puis, je n'eus même plus 35 ans. Et rien n'allait plus si bien. Mais je ne me souviens pas d'avoir toutes ces années-là éprouvé un instant de découragement. Je vis d'honnêtes gens passer par des périodes de cafard à se suicider. Il y en eut qui renoncèrent et moururent. D'autres s'adaptèrent et atteignirent à plus de succès que moi. Mais jamais mon moral ne tomba au-dessous du niveau d'un mouvement de dégoût de moi-même lorsque j'avais donné quelques spectacles déplaisants. Les ennuis n'ont pas nécessairement de rapport avec le découragement. Le découragement possède son microbe particulier et diffère autant de l'embêtement que l'arthrite d'une raideur articulaire. Quand de nouveaux cieux me coupèrent du soleil au printemps dernier, je n'établis pas tout de suite de rapport avec ce qui m'était arrivé il y a 15 ans ou 20 ans. Ce n'est que progressivement qu'un certain air de famille se fit jour. La ligne de combat qui s'étend trop, la chandelle qui brûle au debout, un appel à des ressources physiques dont je n'étais pas maître, analogue à ce que fait l'homme qui tire à découvert sur son compte en banque. L'effet de choc de ce dernier coup était plus violent que les deux premiers, mais le coup était de même nature. J'avais le sentiment d'être debout au crépuscule sur un champ de tir abandonné, un fusil vide à la main et les cibles descendues. Aucun problème à résoudre, simplement le silence et le seul bruit de ma propre respiration. Il y avait dans ce silence une immense irresponsabilité à l'égard de toutes les obligations, l'affaissement de toutes mes valeurs. Une foi passionnée dans l'ordre, la confiance donnée à l'intuition et à la prophétie plutôt qu'aux mobiles et aux conséquences, le sentiment que le métier et l'effort industrieux auraient place dans n'importe quel univers, l'une après l'autre ces convictions-là et d'autres furent balayées. Je compris que le roman, qui à l'époque de ma maturité était l'instrument le plus solide et le plus souple qui permit de faire passer émotions et pensées d'un être humain à l'autre, était en train de se subordonner à un art mécanique et communautaire, incapable, que ce soit aux mains des marchands de Hollywood ou des idéalistes russes, de refléter autre chose que la pensée la plus banale, que l'émotion la plus évidente. C'était un art dans lequel les mots étaient soumis aux images, dans lequel la personnalité devait s'user à prendre l'engrenage le plus bas que la collaboration exige inévitablement. Déjà en 1930, j'avais eu l'intuition que le cinéma parlant rendrait même le romancier qui se vendrait le mieux aussi archaïque que le cinéma muet. On lisait encore, quand ce n'aurait été que le livre du mois du professeur Cornby, des enfants curieux reniflaient la boue de M. Tiffany Teyer dans les bibliothèques des drugstores. Mais il y avait une indignité fondamentale qui était devenue pour moi une obsession dans la subordination du pouvoir du mot écrit à un autre pouvoir, à un pouvoir plus scintillant, plus vulgaire. Je donne cela en exemple de ce qui me poursuivait pendant ma longue nuit. C'était là quelque chose que je ne pouvais ni accepter ni combattre, quelque chose qui tendait à rendre périmés les résultats de mon effort, comme les magasins à succursales ont fini par paralyser le petit commerce. C'était une force extérieure imbattable. J'ai maintenant l'impression de faire une conférence. Je regarde la montre qui est devant moi sur la table et je vois combien il me reste de minutes. Eh bien, lorsque j'eus atteint cette période de silence, je fus contraint de prendre une mesure que personne n'adopte volontairement. Je fus obligé de réfléchir. Bon Dieu, ce n'était pas facile. C'était déménager de grands coffres secrets. À la première pause que je fis, épuisé, je me demandais si j'avais jamais réfléchi. Au bout d'assez longtemps, je parvins aux conclusions suivantes, telles que je les transcris ici. Premièrement, j'avais très peu réfléchi, sauf au problème de mon métier. 20 ans durant, un homme donné m'avait servi de conscience intellectuelle, c'était Edmund Wilson. Deuxièmement, un autre homme incarnait pour moi la vie bien. Quoiqu'il ne m'arrivât de le voir que tous les 10 ans, et qu'il ait peut-être depuis été pendu. Il est dans la fourrure, dans le nord-ouest. Et n'aimerait pas avoir son nom ici. Mais dans les situations difficiles, j'essayais de deviner ce qu'il aurait pensé, lui, comment il aurait agi, lui. Troisièmement, un troisième de mes contemporains m'avait servi de conscience artistique. Je n'avais pas imité son style contagieux parce que mon propre style, dans la mesure où j'en ai un, était formé avant qu'il eût rien publié. Mais je me sentais terriblement prêt à l'imiter quand j'étais embarrassé. Quatrièmement, un quatrième avait fini par m'imposer la forme de mes rapports avec les autres quand c'était des rapports réussis. Ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait dire. Cela me troublait toujours beaucoup et me donnait envie de sortir, de me saouler. Mais l'homme en question avait compris le jeu, l'avait analysé et assimilé, et sa parole me suffisait. Cinquièmement, ma conscience politique avait été pendant 10 ans à peu près inexistante, sauf comme élément d'ironie dans mes trucs. Quand je recommençais à me préoccuper du système sous lequel je devais fonctionner, ce fut un homme beaucoup plus jeune que moi qui m'en apporta la connaissance, avec un peu de passion et d'air frais. Si bien qu'il ne me restait plus de jeu, plus de base où établir le respect de moi-même, sinon cette puissance de travail sans limite qu'il me semblait bien avoir perdue. C'était étrange de n'avoir pas de soi, d'être comme un petit garçon laissé tout seul dans une grande maison, qui sait qu'il peut désormais faire tout ce qu'il veut, mais s'aperçoit qu'il n'y a rien qu'il ait envie de faire. La montre a passé l'heure et à peine si j'ai entamé mon sujet. J'ai quelques doutes. Est-ce que cela intéresse tout le monde? Si vous en avez assez, dites-le, mais pas trop fort, parce que j'ai le sentiment que quelqu'un, je ne sais pas très bien qui, dort à poing fermé, quelqu'un qui aurait pu m'aider à garder boutique ouverte. Ce n'était pas Lénine, et ce n'était pas Dieu. Thank you. collage. Avril 1936. J'ai raconté dans les pages ci-dessus comment ce jeune homme, exceptionnellement optimiste, sentit se fêler toutes ses valeurs. Fêlure dont il n'eut vraiment conscience que longtemps après qu'elle se fut produite. J'ai parlé de la période de désolation qui s'en est suivie et de la nécessité de poursuivre, mais sans accompagnement héroïque du genre Henley, tête en sang mais tête haute. Car le relevé de toutes mes obligations spirituelles indiquait que je n'avais pas de tête à tenir basse ou haute. J'avais eu jadis un cœur, mais c'était à peu près toute la certitude qui me restait. C'était au moins un point de départ pour sortir des fondrières où je pataugeais. Je sentais, donc j'étais. Il y avait eu un temps où beaucoup de gens s'étaient appuyés sur moi, étaient venus à moi, quand ils s'étaient trouvés en difficulté ou m'avaient écrit de très loin, qui avaient cru implicitement à mon opinion et à mon attitude devant la vie. Il faut bien que le producteur des pires platitudes, ou que le Raspoutine le plus dépourvu de scrupules, qui influence la destinée de tant de gens, ait quelque individualité. Si bien que la question devint, comment trouver pourquoi et en quoi j'avais changé? Où se situait la fuite par laquelle s'était à mon insu écoulée goutte à goutte, régulièrement et prématurément, ma vitalité et mon enthousiasme? Une nuit d'épuisement et de désespoir, je remplis une mallette pour faire 1200 kilomètres et aller réfléchir. Je pris une chambre à 1 $ dans une morne petite ville où je ne connaissais personne et j'engloutis tout l'argent que j'avais sur moi dans un stock de conserves de viande, de biscuits et de pommes. Mais que je ne vous fasse pas croire que le passage d'une existence un peu suralimentée à un régime comparativement ascétique es-tu quoi que ce soit d'une quête de la grandeur? Je voulais seulement la tranquillité absolue pour décider pourquoi je m'étais mis à devenir triste devant la tristesse, mélancolique devant la mélancolie et tragique devant la tragédie. Pourquoi je m'étais mis à m'identifier aux objets de mon horreur ou de ma compassion? Est-ce que ce serait là une distinction trop subtile? Non. Une identification de ce genre équivaut à la mort de toute réalisation. C'est quelque chose de ce genre qui empêche les fous de travailler. Lénine ne supportait pas de bonne volonté les souffrances de son prolétariat. Ni George Washington de ses troupes, ni Dickens de ses pauvres londoniens. Et quand Tolstoï essaya de se confondre ainsi avec les objets de son attention, il aboutit à une tricherie et à un échec. Je parle de cela parce que ce sont les hommes que tout le monde connaît le mieux. C'était un brouillard dangereux. Mon immolation de moi-même était une fusée sombre et mouillée. Elle n'était certainement pas moderne. Pourtant, je la reconnaissais chez d'autres. Je la reconnaissais depuis la guerre, chez une douzaine d'hommes honorables et actifs. Je vous entends, mais c'est trop facile. Il y avait des marxistes parmi eux. J'en vins à l'idée que ceux qui avaient survécu avaient accompli une vraie rupture. Rupture veut beaucoup dire et n'a rien à voir avec rupture de chaîne, où l'on est généralement destiné à trouver une autre chaîne ou à reprendre l'ancienne. La célèbre évasion, ou la fuite loin de tout, est une excursion dans un piège, même si le piège comprend les mers du Sud, qui ne sont faites que pour ceux qui veulent y naviguer ou les peindre. Une vraie rupture est quelque chose sur quoi on ne peut pas revenir, qui est irrémissible, parce qu'elle fait que le passé cesse d'exister. Alors, puisque je ne pouvais plus venir à bout des obligations que la vie m'avait imposées ou que je m'étais imposé moi-même, pourquoi ne pas anéantir la coquille vide qui depuis 4 ans jouait à faire semblant ? Il fallait continuer à être écrivain, puisque c'était ma seule façon de vivre, mais je pouvais cesser d'essayer d'être quelqu'un, d'être bon, juste ou généreux. Une quantité de fausses monnaies qui avait cours ferait l'affaire, et je savais, ou la trouver à un sou le franc. En 39 ans, l'œil capable d'observer avait repéré où l'on mettait de l'eau dans le lait et du sable dans le sucre, où l'on faisait passer les pierres du Rhin pour des diamants et le stuc pour du marbre. Je ne donnerai plus rien de moi. Donner serait désormais interdit et baptisé gaspillage. La décision ne fut pas loin de m'enthousiasmer, comme tout ce qui est à la fois réel et neuf. Par manière de commencement, il y eut d'abord toute une pile de lettres flanquées au panier en rentrant, des lettres qui demandaient un service sans contrepartie. Lire le manuscrit de celui-ci, négocier le poème de celui-là, parler gratuitement à la radio, écrire des lettres d'introduction, donner une interview ici, un coup de main là, pour l'intrigue d'une pièce, pour résoudre tel problème domestique, accomplir telle ou telle action bienveillante ou charitable. Le chapeau du prestidigitateur était vide. Il avait suffi longtemps d'un tournement pour en sortir quelque chose, et maintenant, pour changer de métaphore, j'étais pour toujours de l'autre côté de la barricade. L'horrible sensation d'enthousiasme continuait. Je me sentais pareil aux hommes que je voyais dans les trains de banlieue de Great Neck 15 ans plus tôt, les yeux comme des boutons de guêtre, qui s'en fichaient bien que le monde s'effondre dans le chaos demain si leur maison devait être épargnée. J'étais l'un d'eux désormais. J'étais l'un de ces automates bien graissés qui disent « Désolé, mais les affaires sont les affaires. » Ou bien « Vous auriez dû y penser avant d'avoir des ennuis. » Ou encore « Moi, ça ne me regarde pas. » Et le sourire. Ah, je me fabriquerai un sourire. J'y travaille encore. Voici les qualités qu'il faut combiner. Tout ce qu'ont de mieux les directeurs d'hôtel, les vieux renards mondains, les directeurs d'école les jours de réception, les garçons d'ascenseur nègre, les tapettes qui font le joli cœur, les producteurs qui raflent du matériau à moitié prix, les infirmières le premier jour de leur service, les mannequins à leur première photo de presse, les extras à leur première prise de vue, les ballerines qui ont une écorchure au pied. Et bien sûr, ajouter à tout ça l'immense rayonnement de douceur et de bonté qu'ont en partage tous ceux qui, d'un bout à l'autre du continent, n'existent qu'en vertu de leur grimace. La voix aussi. Je prends des leçons pour ma voix. Quand je serai arrivé à la perfection, le seul accent de conviction dont résonnera mon larynx sera un accent conforme à la conviction de mon interlocuteur. Étant donné que le facteur essentiel sera l'énoncé du mot « oui », c'est surtout lui que mon professeur, qui est homme de loi, et moi, nous travaillons. Mais je fais des heures supplémentaires pour y introduire la sécheresse polie qui fait sentir aux gens que loin d'être les bienvenus, c'est tout juste si on les supporte et qu'ils sont soumis à un sévère examen de tous les instants. Naturellement, ces moments-là ne coïncident pas avec le sourire. Ils seront réservés exclusivement à ceux de qui je n'ai rien à attendre, aux gens qui sont finis ou aux petits jeunes gens qui débutent. Ça leur sera égal, nom d'un chien, c'est l'accueil qu'on leur fait la plupart du temps. Mais ça suffit, il n'y a pas de quoi plaisanter. Si vous êtes jeune et que vous m'écriviez en demandant à me voir pour apprendre comment faire, homme de lettres au regard sombre, pour écrire des essais sur l'épuisement affectif auquel les écrivains sont si souvent sujets dans leur jeune temps, si vous êtes assez jeune et assez crédule pour faire une chose pareille, je ne vous accuserai même pas réception de votre lettre, à moins que vous ne soyez parent de quelqu'un de vraiment très riche ou très influent. Maintenant, je suis enfin devenu uniquement un écrivain. L'homme que j'avais avec obstination essayé d'être a fini par me peser tellement que je l'ai lâché, avec aussi peu de remords qu'une négresse, une rivale un samedi soir. Que les gens de bien fassent le bien. Que les médecins surmenés meurent à la tâche. et se contentent d'une semaine de vacances par an pour régler leurs affaires de famille, pendant que les médecins sans clientèle se disputent les consultations à un dollar. Que les soldats se fassent tuer pour entrer immédiatement au Valhalla de leur profession. C'est inclus dans le contrat qu'ils ont passé avec les dieux. Pareil idéal est inutile à l'écrivain, à moins qu'il ne se le soit fixé à lui-même. Et l'auteur de ces lignes déclare forfait. Le vieux rêve, devenir l'homme complet, dans la tradition Goethe, Byron, Shaw, l'opulence américaine en plus, s'était relégué au tas de détritus, où figuraient les épaulettes portées une seule fois pour jouer au football sur le terrain de sport de Princeton, et la casquette militaire pour passer l'eau, et qui n'avait jamais passé l'eau. Et alors, ce que je pense maintenant, c'est ceci. L'état naturel de l'adulte sensible est une absence de bonheur mitigé. Je crois aussi que le désir chez l'adulte d'avoir plus de délicatesse, que la constance de l'effort, comme disent les gens qui gagnent leur pain en le disant, ne font qu'ajouter à la fin cette absence de bonheur. À la fin où s'en viennent notre jeunesse et notre espoir. Mon propre bonheur, jadis, était souvent si proche du délire que je ne pouvais pas le partager même avec la personne qui m'était la plus chère. Il fallait l'épuiser en promenade dans les rues et les sentiers tranquilles. Et dans les livres, il ne s'en distillait en quelques lignes que des fragments. Et je crois que mon bonheur, ou ma capacité d'illusion, appelez-le comme vous voudrez, était une exception. Ce n'était pas quelque chose de normal, mais quelque chose d'anormal. D'anormal comme la prospérité. Et ce que je viens d'éprouver a son parallèle dans la vague de désespoir qui a balayé le pays quand la prospérité a pris fin. J'arriverai à vivre selon la nouvelle ordonnance, bien qu'il m'ait fallu plusieurs mois pour m'en assurer. Et tout comme le stoïcisme et la gaieté qui ont permis aux nègres américains de supporter les conditions d'existence intolérables lui ont coûté le sentiment et la notion de la vérité, de même dans mon cas, j'ai quelque chose à payer. Je n'ai plus de sympathie pour le facteur, ni pour l'épicier, ni pour le rédacteur en chef, ni pour le mari de la cousine. Et la vie ne va plus être bien agréable à vivre. Cave et Canem est écrit pour toujours au-dessus de ma porte. J'essaierai d'être un animal aussi correct que possible. Et si vous me jetez un os avec assez de viande dessus, je serai peut-être même capable de vous lécher la main. Francis Scott Fitzgerald. ORTF, Atelier de création radiophonique. Atelier de création radiophonique, Confidence, par Jeannine Antoine, René Farabet, Harold Portnoy, Robert Valette. Assisté de Viviane Vandenbroek. Collaboration technique, Alain Barbedette, Marcel Grenier. Repère, Radio Bremen. Intrasonique, de Michael Tofoff. Annie Lott, de Nice. Groupe de recherche musicale, Solitude, de François Bell. The Private Moment, le moment privé, par Lee Strasberg. L'homme qui parle tout seul, de Roland Dubillard, avec Roland Dubillard. Samedi soir, bal, de Jean Thibaudot, prix Ondas 1970, composé pour l'atelier de création radiophonique avec le concours de Jeannine Antoine, Vivien Vandenbroek, Cécile Brunner, Françoise Campeau, Hélène Dieudonné, René Farabet, Marcel Grenier, Jean-Daniel Pollet, Martine Sarcey. La Fêlure de Francis Scott Fitzgerald, lu par Denis Roche. Musique, Léon Bismarck, Bix Beiderbecke. Confidence. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 25 avril 1971. Elle est à réécouter en ligne et à télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture. Let now all your sorrows inhale. Don't weep no longer. You're shaking inside your shell. Leave now all your troubles alone. Look at the bright side, no morning from dusk till dawn. But don't knock your head on that wall. You can't cut the pain when you fall. You're feeling down when you look up. You're feeling down and you don't want. Nobody.